L'amor uccici. On roule en Ferrari, j'ai pas les vies fumées, c'est juste à cause de la cache. Un jour j'en serai ravi, mon oseille parfumée par l'odeur de la rime cache. Un crème dans le Ferrari, son parfum se mélange avec l'odeur de ma cache. Je suis partout dans les tops, j'ai la plus bonne la ville et ça m'attire des problèmes. Je veux du Fendi, je vais la feinter. Je suis avec tonton dans le fantôme. J'assume les conséquences mais ça peut déraper. C'est des autres mafias contre le RAP. Je voulais le faire bien mais bon ça finit mal. Tu reconnais les hommes, c'est l'instant animal. Je regarde plus mon phone, trop d'appels manqués. Un soir de vieux Arbi, je suis dans la Mercedes. Y'a trop de gens qui parlent, trop de gens qui bavent, trop de boucards bloqués dans la même tête. J'suis sur le terrain, j'vais récupérer une petite avec le même boule que Eva Mendes. On roule en Ferrari, j'ai pas les vies fumées, c'est juste à cause de la cache. Un jour j'en serai ravi, mon oseille parfumée par l'odeur de la rime cache. Un crème dans le Ferrari, son parfum se mélange avec l'odeur de ma gueule. J'suis partout dans les tops, j'ai la plus bonne la ville et ça m'attire des problèmes. Un étalon sur la putette, j'ai encore forcé sur la bouteille. J'tourne dans la ville à 30 km, les commerçants me saluent comme un grand patron de la paix. Double tri dans PRPR, je fais pas les jours de l'an, je fais pas les anniversaires. Ma haine dans un doré à la place Dieu m'a donné, je suis ni pour la guerre, ni gardien de la paix. Je démarre le Enzo et je quitte le parking, je baisse à vitre et je jette mon mégot. Je suis entouré de béton, quelques notes de piano, quelques balles dans le canon. On roule en Ferrari, j'ai pas les vies fumées, c'est juste à cause de la cache. Un jour j'en serai ravi, mon oseille parfumée par l'odeur de la rime cache. Un crème dans le Ferrari, son parfum se mélange avec l'odeur de ma cache. J'suis partout dans les tops, j'ai la plus bonne la ville et ça m'attire des problèmes. J'ai la plus bonne la ville et ça m'attire des problèmes.